Boucle d'or et les trois ours. Boucle d'or et les trois ours est un conte, souvent considéré comme une histoire folklorique anonyme d'origine écossaise, collectée et retranscrite par les frères Grimm, dont je vous livre ici la version. Lu par Sabine pour audiocité.net, sous la licence Art Libre. Il était une fois trois ours qui vivaient dans une confortable maison au fond des grands bois. Il y avait un gros papa ours un peu bourru, une maman ours de moyenne taille et un tout petit bébé ours. Chacun possédait sa chaise et son bol. Dans la chambre, il y avait trois lits, un très grand pour papa ours, un moyen pour maman ours et un tout petit pour bébé ours. Un jour, maman ours fit une délicieuse bouillie d'avoine et en versa dans chacun des bols. « Nous ne pouvons pas la manger tout de suite, dit-elle, c'est beaucoup trop chaud. Si nous allions faire un petit tour dans les bois en attendant que cela refroidisse, proposa bébé ours. Oh oui, allons-y. C'est une bonne idée, dit papa ours. Maman ours approuva, elle aussi. Et les trois ours s'enfoncèrent dans les grands bois, humant l'air frais le long des sentiers. Pendant que les trois ours s'amusaient, une petite fille aux magnifiques cheveux blonds passait par là. Elle s'appelait Boucle d'or. Lorsqu'elle aperçut la maison des ours, elle y entra, car elle était bien fatiguée et avait grand faim. « Oh, y a-t-il quelqu'un ? » cria-t-elle. Mais personne ne répondit. « comme ça sent bon !» s'exclama Boucle d'or en voyant les trois bols sur la table. Elle grimpa sur un tabouret pour goûter la bouillie de papa ours. « Aïe, elle est trop chaude !» fit-elle en reposant la cuillère. Elle goûta ensuite celle de maman ours. « Oh, elle est trop froide !» dit-elle en repoussant la cuillère. Elle goûta enfin la bouillie du bébé ours et la trouva tout à fait bien. Elle la mangea toute sans en laisser une seule bouchée. Boucle d'or aperçut alors les trois chaises et voulut grimper sur celle de papa ours. Mais il n'y avait même pas un coussin et elle la trouva beaucoup trop dure. Elle essaya celle de maman ours, mais cette fois il y avait trop de coussins et elle la trouva trop confortable. Elle s'installa enfin sur celle de bébé ours. Elle était juste comme il faut, confortable et bien rembourrée. Et Boucle d'or s'amusa à sauter et à rebondir, tant et si bien qu'elle défonça la chaise et tomba par terre. « Je suis fatiguée, » soupira Boucle d'or en voyant les trois lits dans la chambre. Elle grimpa sur le lit du papa ours, mais redescendit aussitôt. Il était beaucoup trop dur. Elle essaya ensuite celui de maman ours, mais celui-là était trop mou et plein de bosses. Elle monta enfin sur le lit de bébé ours. Il était tout à fait bien. Boucle d'or s'y laissa tomber et s'endormit aussitôt. Au bout d'un moment, les trois ours, très contents de leur promenade dans la forêt, rentrèrent à la maison et s'aperçurent que l'on avait touché à leur bol. « Quelqu'un a goûté à ma bouillie, » dit le papa ours de sa grosse voix bourrue. « Quelqu'un a goûté à ma bouillie ? » dit maman ours de sa moyenne voix. « Quelqu'un a goûté à ma bouillie et l'a toute mangée !» cria bébé ours de sa toute petite voix. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise !» gronda papa ours de sa grosse voix bourrue. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise ?» dit maman ours de sa moyenne voix. « Quelqu'un s'est assis sur la mienne et l'a défoncée !» pleurnicha bébé ours de sa toute petite voix. Ils allèrent ensuite dans leur chambre. « On s'est couché sur mon lit !» cria le papa ours de sa grosse voix. « On s'est couché sur le mien !» dit maman ours de sa moyenne voix. « Venez voir ! Quelqu'un est couché dans mon petit lit !» s'exclama bébé ours tout surpris. Papa ours avait une si grosse voix que Boucle d'or entendit en rêve le barissement d'un éléphant. Quand maman ours prit la parole, elle crut qu'un corbeau croassait. En entendant bébé ours, elle crut être piquée à l'oreille par un gros bourdon velu et elle s'éveilla en sursaut. Elle aperçut alors les trois ours. Bientôt, elle bondit hors du lit et s'enfuit à toutes jambes. Elle ne s'arrêta de courir que lorsqu'elle atteignit sa maison à la lisière des grands bois. Alors, papa ours répara la petite chaise qui fut bientôt toute neuve. Maman Ours remit un peu d'ordre dans la chambre et ils s'installèrent devant trois bols de bouillie d'avoine qui n'étaient plus ni trop chaudes ni trop froides, mais juste à point.